Chapitre 10e. Christiane arriva en retard chez Madame de Vaunancourt où l'on se réunissait à 4 heures. Il fallait décider quels légumes chacun prenait pour le bal des bouillons, afin de ne pas choisir deux fois le même, du moins dans la même bande. Quand Madame d'Argonne entra, elle fut accueillie par un joyeux cri. « Ah, enfin, nous croyons que vous aviez oublié. » Elle s'excusa. Elle avait été retenue chez elle. Monsieur de Fercy était venu la voir quelques minutes avant 4 heures, et comme son mari, agacé de son retard, lui disait qu'elle n'aurait pas dû recevoir à cette heure-là, elle répondit « C'est vrai, mais j'aime beaucoup Monsieur de Fercy. On m'avait dit que c'était lui et je ne voulais pas manquer sa visite. » Elle savait que le vieux marquis était exécré dans son monde, et il lui plaisait à cause de cela, d'exprimer la sympathie très grande qu'elle avait pour lui. Tous ces hommes qui cherchaient à le ridiculiser, elle les trouvait inférieurs à lui en tout point, et elle prenait à le leur dire un réel plaisir. Madame de Vaunancourt s'écria « En quoi serez-vous? Moi, je serai en radis rose. »« Je ne sais pas encore, » répondit Christiane, « je n'y ai pas pensé. »« Comment? Vous n'avez pas encore pensé à votre légume? Moi, je ne pense qu'à ça depuis que Madame de Bouillon a annoncé son bal. » Le comte Dupuis appuya, les recueillit. « Nous ne pensons tous qu'à ça. » Christiane cherchait. « En vérité, je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup de jolis, des légumes. »« Mais si, » fit Maurière, « il y en a des tas. Ainsi le céleri. »« C'est très élégant, le céleri. J'ai choisi le céleri. » Dantin expliqua. « Moi, je crois que je vais prendre la tomate. »« Ça doit être pris, » affirma Madame de Givray. « Ça doit être pris par Madame de Treuil. Pourquoi ?»« Parce que c'est rouge. Elle aime tant le rouge. » Monsieur d'Argonne demanda, d'un air détaché. « Est-ce qu'elle ne vient pas, Madame de Treuil ?» Madame de Vaunancourt répondit « Mais si, elle doit venir. » Dantin insinua « Elle a peut-être été arrêtée en route. » Très mystérieuse en ce moment-ci, la baronne. On la voit arriver partout en retard. « Je vous assure, » dit en souriant Christiane, « qu'on pourrait être en retard sans qu'il soit besoin d'être mystérieuse. » Dupuis insista « Non, mais évidemment, la baronne a quelque chose dans son existence. » Dantin reprit en riant « Ça doit être un cheveu, parce que depuis quelque temps, elle est toujours grognon. »« Mais laissez-la donc tranquille !» cria la petite de Givray agacée. « Qu'est-ce que ça vous fait ?» Elle ne comprenait pas qu'on fouillât dans la vie des autres avec cet acharnement. Et elle, qui disait volontiers en face des choses désagréables au Treuil qu'elle n'aimait pas, prenait toujours leur défense quand ils n'étaient pas là. Elle ajouta « Qu'elle était retardée ou pas, elle viendra, allez !» Madame de Vaunancourt conclut méchamment en regardant Maurière impassible, d'autant plus qu'il me semble que, pour l'instant, rien ne peut la retenir ailleurs. Dupuis se pencha vers M. d'Argonne et lui dit à mi-voix « C'est parce que Maurière est là qu'elle dit ça, mais elle retarde, Madame de Vaunancourt. Il y a beau temps que ça n'est plus Maurière. » « Ah ! » fit le comte étonné. « Ben, ça n'a pas été long. » Et après un instant, il questionna « Qui est-ce donc ?» Personne encore. À ce qu'on croit, elle se recueille. Puis, changeant de conversation, « Moi, j'ai envie de prendre un légume qui soit une verdure. C'est plus joli. Par exemple, la laitue. Ou l'oseille. Non, la laitue. C'est plus mouvementé comme feuillage. Et puis, ça fait une gamme de verts. On peut aller jusqu'au blanc. Oui, c'est vrai, avec les cœurs. » Mais Dupuis tenait à consulter ces dames. Il s'apprêtait à le faire lorsque M. Salomon entra, rouge et agité comme toujours. Il alla saluer Madame de Vaunancourt et lui dit « Vous n'avez pas vu Agar ?» La petite de Givray éclata de rire. Alors il ne gardait plus sa fameuse phrase pour le bois. Elle lui servait aussi à l'intérieur maintenant. Et elle se dit que pourtant le gros homme avait bien un peu le droit d'entrer sans prétexte chez les Vaunancourt, qui jouaient de lui, exploitant ses faiblesses et en tirant profit. Vaunancourt ne se faisait aucun scrupule de taper journellement le banquier. Il ne s'en cachait pas d'ailleurs, disant avec désinvolture que c'était de l'argent qui rentrait à la masse. Le comte Salomon avait aperçu Chagny. Sa figure s'illumina, et il alla s'asseoir près de lui, demandant « Est-ce que vous avez déjà choisi votre légume ?» Chagny répondit qu'il prendrait probablement un chou, à moins qu'on ne les eût déjà retenus tous. Auquel cas il choisirait autre chose, ça lui était bien égal. Dupuis demanda de nouveau, s'adressant à Madame de Vaudancourt, « Et moi, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce qui m'ira ?» Elle répondit, « Mais je ne sais pas trop. C'est que, ainsi que je l'expliquais tout à l'heure à Dargonne, je voudrais un légume joli, un légume qui m'aille bien. » Le comte Salomon dit d'un ton aigre, « Prenez la carotte. » Et voyant la tête de Dupuis qui verdissait, il ajouta d'un air bonhomme, « C'est un joli légume, à cause de la couleur. » Dupuis ne voulut pas avoir l'air de se démonter. Il insista, continuant à demander des conseils, occupant tout le monde de sa personne et de son légume. Et la petite de Givray, regardant sa face blême, lui cria, agacée, « Prenez donc le navet, ça n'est pas encore pris, le navet. » Le comte Salomon avait quitté Chagny. Il traversa les groupes qui discutaient en buvant du thé et en regardant des gravures de mode. Il manœuvrait pour se rapprocher de Morière. Le marquis, très absorbé dans la contemplation d'une gravure qui représentait un artichaut de satin, ne le vit pas venir. Il fut tout surpris quand le banquier, posant son énorme main sur sa manche, lui dit d'un ton gros de reproche « Alors comme ça, monsieur le marquis, vous êtes un farouche antisémite ?»« Moi ?» fit Morière ahuri. Jamais, depuis qu'il existait, l'idée ne lui était venue qu'il pût y avoir une différence sociale entre un chrétien et un juif, et il trouvait idiotes toutes les questions de race ou de religion qui compliquent la vie mondaine. Il protesta avec une énergie sauvage. « Mais jamais de la vie. Qu'est-ce qui vous a dit ça ?»« C'est Agar. Elle ne veut plus, à cause de ça, que je dîne chez elle quand vous y êtes, et comme vous y êtes souvent. Mais c'est absurde !» dit Morière embêté. Il pensait que si ce bruit de son antisémitisme s'accréditait, les maisons juives et chics dans lesquelles il allait le plus volontiers lui seraient fermées. Très pincé, il reprit. « En vérité, monsieur, je ne comprends pas ce qui a poussé Madame de Treuil à vous faire cette plaisanterie. » Il allait dire de mauvais goût. Mais il n'osa pas et se contenta de formuler au fond lui-même son jugement sur Agar. Décidément, c'est une dinde. Au même instant, elle entrait, ruisselante de jais, très belle, sous son grand chapeau enguirlandé d'azalées rouges. Son père lui laissa à peine le temps de s'asseoir. Il courut à elle, l'air ravi. « Je ne sais pas qui est-ce qui t'a raconté cette histoire. Monsieur le marquis de Morière vient de me dire lui-même qu'il n'y a pas un mot de vrai. »« Quoi, quelle histoire ? » fit-elle, agacée, en tapotant sa robe sans le regarder. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et monsieur de Morière non plus ne savait pas ce que je voulais dire avec son antisémitisme. La baronne était devenue très rouge. Rosette, qui écoutait, dit à Chagny en riant. Le pauvre homme. Pour ne pas l'inviter avec André, qui avait dit qu'un vilain convive allait lui gâter un dîner, elle a fait donner l'antisémitisme. C'est drôle comme tout. Chagny regarda la baronne et répondit avec conviction. C'est pas une moitié de rosse. Le comte Salomon, qui, lorsqu'il enfourchait une idée, ne la lâchait plus, dit encore. Tu vois, on s'était moqué de toi. Qu'est-ce qui t'avait dit ça? Elle balbutia, exaspérée, cherchant à prendre un air indifférent. Je ne sais plus. « Mais on me l'avait dit. » Pour elle, qui reniait tant qu'elle pouvait son origine, cette explication était un supplice. Le banquier continua. « Eh bien, c'est une farce, n'est-ce pas, monsieur de Morière ?»« C'est absolument faux, » dit André, très embarrassé. La simplicité avec laquelle le banquier traitait ces questions brûlantes le déroutait et heurtait ses idées mondaines. Triomphant, monsieur Salomon se tourna vers sa fille. « Tu entends ?» Elle répondit rageusement. « Monsieur de Morière est trop bien élevé pour te dire ce qu'il pense. »« Ma foi, il aurait bien tort de se gêner. Moi, ces choses-là, ça m'est égal. Je trouve qu'il faut penser ce qu'on veut et rester ce qu'on est. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me laisser convertir. Il y a pourtant un homme supérieur, le père Debelet, qui s'est occupé de cette affaire-là dans le temps, mais je lui ai dit non. » Chagny approuva. « Et vous avez joliment bien fait. »« Ah !» fit le banquier, heureux de l'approbation de son préféré. « Vous n'aimez pas les convertis ?»« Non, j'ai l'esprit mal fait. Dans le converti, je ne vois que le renégat. »« Moi aussi. Il faut garder ce qu'on a, religion ou autre chose. C'est mon principe. Autrement, ça ne m'aurait rien fait d'être catholique. Comme je l'ai dit au père de Belay, moi, je ne suis pas hydroprêtre. »« Vous voulez dire prêtrophobe ?» rectifia Chagny, qui se roulait. « Oui, c'est la même chose. Vous m'entendez bien. » Madame de Vaudancourt, pour rompre les chiens, avait offert à goûter à la baronne. Assise près de la table à thé, Agar buvait du xérès sans perdre de vue son père. Ses grands yeux, qui seuls demeuraient au-dessus du verre, regardaient le bonhomme avec une expression si froidement féroce que Madame de Givray dit à Christiane « Vous connaissez la question du mandarin ? Non ? Supposez qu'il y ait à Pékin un mandarin qui vous gêne. Il est un obstacle dans votre vie. S'il meurt, tout son argent sera à vous. Tout vous sera facile dès qu'il disparaîtra, et vous n'avez qu'à étendre le doigt pour le faire disparaître. Personne ne peut le savoir, vous êtes sûr de l'impunité. Tuerez-vous le mandarin ? Non, dit Christiane. Diable ! Moi je ne sais pas ce que je ferai. Je crois que j'étendrai le doigt. Eh bien, figurez-vous que le père Salomon est à Pékin, et que cette bonne madame de Treuil n'a qu'à le petit mouvement à faire. Impunité assurée, etc., etc. Croyez-vous qu'elle le tuerait, hein, le mandarin ? Madame d'Argonne se mit à rire. Je ne sais pas trop. Et moi, je le sais si bien que même à Paris, si j'étais le père Salomon, je ne serais pas tranquille. Monsieur de Treuil arrivait. Rosette le montra du regard en disant « Son beau-père est plus sympathique que lui, certainement. » Le baron avait l'air accablé. Sa femme le regarda avec étonnement. Lui qui portait beau d'habitude, il semblait s'être en quelque sorte tassé. En apercevant son beau-père, il devint pourpre et fit un mouvement vers lui. Mais il se ravisa et resta loin, à l'autre extrémité du salon. Morière, encore mal remis de la sortie du banquier, redoutant d'autre part une boutade de Chagny ou une réflexion compromettante de Rosette s'il s'approchait d'eux, marcha vers Treuil qui lui apparaissait comme un sauveur. Sa liaison avec la femme l'avait forcément lié davantage avec le mari. Sans remarquer son air étrange, il lui dit « Vous venez choisir votre légume ?» Le baron haussa les épaules d'un mouvement brutal. « J'y pense bien, à mon légume. Savez-vous ce qui m'arrive ?»« Mais non. » Il vit la mine bouleversée de Treuil et demanda, sans l'ombre d'intérêt, d'une voix compatissante et émue, « Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il vous arrive donc ?» Le baron répondit, en l'entraînant dans un coin isolé du salon, « Elle me lâche, mon cher. »« Qui ça ?» demanda le marquis effaré, pensant à Agar. Au cours de leurs dernières entrevues, elle s'était montrée amoureuse tragique, lui offrant de tout quitter, d'aller vivre ensemble à Corfou, d'abandonner cette vie de partage et de mensonge. Elle oubliait, dans ses crises, que peu de jours plus tôt, elle lui avait juré, sans qu'il le lui demandât, que son mari n'était plus rien pour elle, et qu'il n'avait pas, lui, André, à redouter un honteux partage, etc., etc. La peur lui vint qu'elle n'eût annoncé à Treuil qu'elle le plantait là, pour partir avec celui que son cœur avait choisi, et un petit frisson lui passa sur la peau. Bourru, le baron répondit « Blanche, parbleu, qui voulez-vous que ce soit ?»« Hein ?» fit Morière, rassuré, l'air souriant malgré lui. « Ah, elle vous lâche, et pourquoi ?»« Vous voulez dire pour qui ?»« Eh bien, mon cher, je vous le donne en mille. »« Je ne me doute pas qui elle a. »« Je le pense, c'est mon beau-père. » Et comme André, pour dissimuler le fou rire qui lui roulait dans le gosier, accentué en grimaçant le sérieux de son expression, il reprit, exaspéré. « Oui, mon cher, croiriez-vous, hein, ce cochon-là ?»« Oh !» fit Morière, que les gros mots et la vulgarité impressionnaient toujours fâcheusement. « Prenez donc garde, on peut entendre. Ça ne sert à rien de faire du bruit. » Il regardait furtivement autour de lui, craignant que l'attention ne fût attirée. Mais le choix des légumes absorbait tous les visiteurs de Madame de Vaudancourt. Seul Chagny les examinait de loin, sa bonne figure égayée, ses yeux gris riant au milieu d'un rayonnement de petits plis. Monsieur de Treuil continua d'une voix que la colère enrouait. « Figurez-vous que déjà, depuis qu'elle a son hôtel, elle était moins gentille avec moi, beaucoup moins. » Distrait, Morière murmura, « C'est tout naturel. » Le baron le regarda suffoqué, « Comment c'est tout naturel ? Et à partir du jour où le dernier clou a été planté, fini, elle ne m'a plus fichu un coup d'œil et des prétextes et des histoires. Non, vous n'avez pas idée de ça. Si, si, j'ai idée. L'autre jour, elle me demanda des rubis qu'elle avait vus. Il les lui fallait à tout prix. Et le prix, c'était 20 000. Dame, je trouvais ça dur. Et puis surtout, je n'en avais pas le premier sou. Hier, je parviens à me procurer la somme, j'envoie le bijou, et aujourd'hui elle m'annonce que je suis remplacé. Et par qui ? Par mon beau-père. Mon Dieu, dit André, conciliant, que ce soit lui ou un autre. Et remplacé tout à fait. Elle m'a signifié que je ne peux même pas rester en second, car j'aurais accepté, je tiens à elle. Et puis, j'aurais trouvé drôle d'être à mon tour celui qui trompe monsieur. Surtout quand monsieur est mon beau-père. Mais il n'y a pas mèche. Et elle a l'aplomb de m'écrire ce matin pour me réclamer la clé que j'ai de l'hôtel. Comprenez-vous ça ? Dame, oui, je le comprends. Je sais par expérience que, quand vous gardez une clé, vous vous en servez d'une façon un peu excessive. Le marquis souriait. En pensant à l'histoire de la Bnioche, Treuil s'excusa encore. Ah, mon ami, que de pardon, j'étais stupide ce jour-là. J'étais si malheureux. Pas tant qu'aujourd'hui, pourtant. Et les larmes aux yeux. Car à part le chagrin, je vais avoir des tas d'ennuis matériels. Ma femme connaissait cette liaison, oui, elle l'acceptait, ça lui convenait. Comme Morière faisait un mouvement, il ajouta. Autant qu'une chose de cette sorte peut lui convenir, mais enfin, elle ne disait rien. Et quand ce sera une autre liaison, je ne sais pas si ça bichera aussi bien avec Agar. On va lui écrire des lettres anonymes, l'avertir encore à mot couvert, enfin, tout est à recommencer, quoi. Mais, dit le marquis embarrassé, est-il bien nécessaire, quand on a une aussi jolie femme que la vôtre, d'avoir une liaison avec une Lacombe quelconque ? Il me semble que moi, à votre place. Agar l'embêtait à crier de sa passion larmoyante et lyrique, et depuis un instant, il caressait l'idée d'un rapprochement qui lui débarrassait d'elle. Mais M. de Treuil s'écria avec conviction. À ma place ? Ah, on voit bien que vous ne connaissez pas ma femme. Elle est très belle, oui, certainement. Mais c'est un marbre, mon cher. Et moi, je ne suis ni d'âge, ni d'humeur à vivre comme un moine. Hein ? Fit Morière, banalement poli. Hein ? Dans ce cas, si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez ? Mais je rendrais à Lacombe la clé qu'elle me réclame. Ça, jamais. Ah non, je voulais dire, qu'est-ce qu'il faut faire avec mon beau-père ? Dame, je ne vois pas ce que vous pourriez faire. Monsieur Salomon a l'air un plus solide que vous et... Mais, voulut protester Treuil, je parle au point de vue de l'argent. Donc, vous serez battu. Mieux vaut, il me semble, prendre la chose avec esprit. Et comment ça, avec esprit ? Eh bien, mais, paraître enchanté d'être débarrassé de Blanche, avoir l'air de dire que vous n'attendiez qu'une occasion de la lâcher. S'il a fait ça pour vous ennuyer, ça le... Je crois qu'il a surtout fait ça pour m'empêcher de dépenser de l'argent, mais c'est égal. C'est une bonne idée que vous me donnez là. Je crois, dit Morière, que Madame de Treuil est intriguée de nous voir causer si longtemps loin de tout le monde. Il en avait assez des confidences du baron, et il redoutait l'interrogatoire qu'allait certainement lui infliger sa femme qui ne les perdait pas de vue. Treuil répliqua d'un air sombre. Oui, et merci de votre conseil. Je vais de ce pas être aimable pour mon beau-père. Ce sera très chic. Il s'éloigna, traversant le salon. André, sans paraître voir les appels impérieux de Madame de Treuil, s'absorba de nouveau dans la contemplation de l'artichaut de satin vert. Et de côté, à travers les longs cils touffus qui enveloppaient si joliment son regard, accentuant encore sa caresse, il regardait Christiane qui rêvait, les bras abandonnés le long d'elle, ses petits pieds étendus dépassant sa robe. Depuis quelques jours, il évitait le plus possible de lui parler. Il sentait grandir beaucoup trop à son gré le caprice qu'il entraînait vers elle. Il voulait s'amuser et ne pas se laisser prendre. Il trouvait que si l'amour est un passe-temps très chic, la passion est, en revanche, chose inélégante au plus haut point. Et puis, il redoutait par-dessus tout la souffrance. Et il entrevoyait dans une liaison avec Christiane une multitude de petites souffrances jusque-là insoupçonnées. Inquiétude, jalousie, enfin tout ce qu'il ressentait déjà sans en avoir le droit. Naïvement sûr de lui, il n'admettait même pas que la résistance vint d'elle. Il était convaincu que le jour où il le voudrait bien, elle serait à lui avec reconnaissance, mais il redoutait l'inconnu. Cette fois, la sensation avait des airs de sentiment qui la rendaient menaçante pour son égoïste tranquillité. Et tandis qu'il pensait à elle, elle aussi pensait à lui. Elle attribuait à son attitude indifférente lors de la promenade au salon des Champs-Élysées l'espèce de mouvement de recul qu'elle remarquait depuis ce jour-là chez M. de Morière. Jacques aussi s'était aperçu de ce mouvement. Il surveillait d'un œil ravi les admirations qui établissaient la situation mondaine de sa femme, et comme il tenait entre toutes à l'admiration de Morière, il avait déjà demandé à Christiane « Est-ce que tu as eu quelque chose avec André ?» Elle avait répondu non, mais il n'était pas tranquille. En ce moment même, il s'inquiétait de voir que Morière, au lieu de flirter près d'elle, s'acharnait à regarder un artichaut. Et elle songeait, infiniment triste hélas, à la joie qu'elle aurait à être bien loin de tout ce monde qu'elle ne comprenait pas, avec un petit enfant qu'elle pomponnerait à sa guise, et des animaux libres et heureux. Elle admirait rageusement, à mesure qu'elle connaissait mieux les hommes, l'intelligence exquise des bêtes. Elle avait à la fois envie de pleurer à l'idée de la vie absurde qu'il lui fallait mener, et de rire des petites comédies ridicules qu'elle devinait autour d'elle, de la tête de Treuil et du père Salomon, qu'elle apercevait causant, les bouches aimables et les yeux féroces. Et par instant, l'idée lui venait, qui achevait de la troubler, d'une nouvelle note très importante de Montaut, reçue le matin. Depuis 15 jours, elle demandait cette note. Elle voulait savoir où elle en était. Lui résistait. « Ça n'est pas pressé, madame la comtesse. Vous réglerez à la fin de l'année. » Mais elle ne voulait pas commander de nouvelles choses avant d'avoir réglé, et elle ne savait où prendre les 9 000 francs qu'elle devait. La voix de la petite de Givray l'attira de sa torpeur. « Eh bien, on s'en va sans avoir rien décidé, naturellement. Est-ce que vous allez vous endormir, là ?»« Non, » dit Christiane qui se leva. Madame de Venancourt s'écria, l'air navré. « Mais il n'y a rien de fait. Et cette entrée de pommone portée dans un palanquin par des légumes serait adorable, pourtant. » Elle se tourna brusquement vers Christiane. « Il faut que ce soit Madame d'Argonne. »« Quoi donc ?» demanda la comtesse, qui n'avait pas écouté. « Eh bien, pommone, une idée de votre mari et de Chagny. Voyons, il faut prendre un autre rendez-vous. Quand voulez-vous ? Demain ?»« Eh bien, » proposa Madame de Givray, « venez dîner demain à la maison. Nous aurons plus de temps pour arranger ça. » Dans un coin, le banquier causait toujours avec son gendre. Elle l'interpella d'une voix claire. « Monsieur Salomon, vos enfants, » elle appuya, « dînent chez moi demain. Voulez-vous me faire le plaisir de venir aussi ?» Avant que le banquier abasourdi eût répondu, elle se tourna vers Morière. « Toi aussi, André, je compte sur toi. » En traversant l'antichambre, Chagny lui demanda en riant, « C'est pour être agréable au travail que vous avez invité papa ?»« Oui, d'abord. » Et elle ajouta, « Et puis, il est plus sympathique que ce bonhomme-là. Lui, au moins, il est nature. »